Chapitre 20e. Adolphe était un esprit pratique qui avait pour habitude de procéder en tout méthodiquement, faisant les choses en ordre, les unes après les autres. Pour conquérir Juliette, il s'était tracé un plan, et la passion qui trouble si facilement les têtes ne l'empêchait pas de se conformer à ce plan et d'en poursuivre l'exécution régulière partout et toujours. Ainsi, il avait décidé que Madame Nélis pourrait lui être d'un utile secours auprès de Juliette, et trouvant une occasion de la disposer en sa faveur, il s'empressait d'en profiter. Sans doute l'influence qu'elle exerçait sur sa fille n'était pas bien grande. Cependant, si faible qu'elle fût, cette influence existait. La goutte d'eau qui tombe sur la pierre finit par user celle-ci et la creuser. Par la répétition de paroles qui seraient toujours les mêmes, la mère finirait par peser sur l'esprit de la fille. D'un autre côté, devenue son alliée, elle ne plaiderait plus la cause du Portugais ou de tout autre prétendant dont elle pourrait s'engouer. « Vous venez avec nous, » dit Juliette, lorsqu'en arrivant au Louvre, elle le vit renvoyer la voiture. « Est-ce que je vous dérange ?»« Pourquoi voulez-vous que votre compagnie me dérange ?»« Elle me fait plaisir, vous le savez bien. » Et si vous voulez passer une heure tous les jours avec nous, vous serez le bienvenu. Et si j'en dérange d'autres? Ne dites donc pas de ces niaiseries-là. Vous savez bien que ces autres n'existent pas dans la réalité ni même dans votre imagination. Ne faites pas de ces taquineries inutiles. Cependant, ce grand garçon qui l'autre jour s'amusait à vous faire des plis dans votre robe. Godefroy, mais c'est un camarade. De la camaraderie, on passe à l'amitié. Et de l'amitié, on va vite. Elle lui posa doucement la main sur le bras. Il traversait en ce moment la galerie d'Apollon. Elle s'arrêta et s'approchant avec lui d'une fenêtre, pendant que Madame Nélis continuait à marcher devant. Si vous voulez être jaloux de ces familiarités sans conséquence, dit-elle d'un ton sérieux, renoncez à un amour qui vous ferait trop souffrir. Je ne suis point une petite fille qui baisse nécessairement les yeux quand on la regarde. Et qui rougit toutes les fois qu'on lui parle. J'ai pris l'habitude de certaines libertés que je ne saurais perdre, même pour vous être agréable. Et je vous jure cependant que pour cela je ferai bien des choses. Si au contraire vous pouvez supporter en moi l'usage de ces libertés, venez nous voir ici ou dans mon atelier aussi souvent que vous voudrez, et vous vous convaincrez par vous-même que ces familiarités qui vous choquent sont parfaitement innocentes. Je serais heureuse que cette preuve fût faite d'une façon éclatante, car il y a en vous des préjugés qui vous causeront plus d'une déception douloureuse. » Il voulait répondre, mais elle se remit en marche, lui souriant doucement et corrigeant par son regard ce que ses lèvres venaient de dire. De même qu'il savait calculer, il savait aussi attendre, et il ne cédait point aux impatiences de la fièvre. Ce fut seulement quand Juliette fut bien installée à son travail qu'il demanda à Madame Nélis de faire avec lui un tour dans la grande galerie. « Volontiers, » dit Madame Nélis d'un ton dégagé qui avait des prétentions à la finesse et à la dissimulation. « Je serais même bien aise de passer avec vous devant les Rubens. Vous avez dû voir dans vos voyages des tableaux de ce maître, qui vous permettent de bien juger ce que nous avons ici. Les voyages, ah, les voyages !» Puis, quand ils se furent éloignés de quelques pas, « Je vous ai parlé des Rubens, » dit-elle en riant, « pour avoir un prétexte à cette promenade avec vous, car je ne quitte jamais Juliette. Comme vous pouvez avoir des raisons pour qu'elle ne connaisse pas notre entretien, j'ai pris les devants avec cette explication. Maintenant, mon cher enfant, je suis tout à vous, et si c'est d'un bon conseil que vous avez besoin, je serai heureuse de vous le donner. » Elle dit cela simplement, mais cependant avec assurance, comme une personne convaincue de la valeur de ce qu'elle offre. Donner des conseils était en effet son fort. C'était chez elle une fonction naturelle, qu'elle accomplissait avec une extrême facilité et avec une fertilité inépuisable. On pouvait même dire qu'elle produisait des conseils comme un pommier produit des pommes. Elle en était chargée. Et il ne fallait que tendre la main vers elle pour qu'elle laissât tomber une récolte abondante. Des conseils. Elle en avait donné à son mari depuis la veille de leur mariage jusqu'au jour où il était mort, et où elle lui disait en pleurant de faire un bon testament afin d'arranger leurs affaires. Malheureusement, il ne les avait écoutés ni pendant sa vie ni au moment de sa mort. de sorte qu'il avait perdu sa fortune et qu'il n'avait point arrangé ses affaires. Des conseils, elle en avait donné. Elle en donnait chaque jour à sa fille et même, suivant son expression, elle ne faisait que cela. Conseils pour sa toilette, conseils pour sa conduite, conseils pour sa peinture. Non au point de vue du métier, bien entendu, elle n'entrait pas dans ces détails, mais au point de vue du goût et du bon sens. Elle en donnait à ses amis, à ses connaissances, à Madame Dalifard, sur la fonte des métaux, aux médecins, en leur offrant quelques bonnes recettes, au notaire, en leur racontant quelques faits curieux, à celui-ci, à celui-là, à tous ceux qu'elle connaissait ou qu'elle ne connaissait point. Ce n'est pas précisément un conseil que je peux vous demander, dit Adolphe, mais un concours. C'est presque la même chose. Et si je dois vous aider dans le chemin que vous voulez prendre, un bon conseil ne vous sera peut-être pas inutile. Enfin, je vous écoute. Adolphe choisit une banquette autour de laquelle il ne se trouvait personne en ce moment. Puis, après avoir fait asseoir Madame Nélis et s'être placé près d'elle, il commença. C'est de Mademoiselle Juliette que je veux vous parler. De Juliette, si vous me permettez de m'exprimer ainsi. Parfaitement. Cette familiarité de langage rappelle le temps de votre enfance. Doux souvenir, heureux âge. Je n'ai pas pu vivre auprès d'elle pendant plusieurs années sans être touché par le charme qui se dégage de toute sa personne, de sa beauté, de son esprit. N'est-ce pas qu'elle est irrésistible? Ce n'est pas parce qu'elle est ma fille et qu'elle me ressemble, mais je ne peux pas faire autrement que de dire qu'elle est irrésistible. Si c'est de l'orgueil maternel, qu'on me le pardonne. Si l'on ne me pardonne pas, qu'on me condamne. Je parle de ma fille comme je parlerais d'une autre. Voilà la vérité. Je ne me suis pas d'abord rendu bien compte des sentiments que ce charme produisait en moi, dit-il en continuant. J'ai cru que c'était seulement de l'amitié, mais bientôt j'ai dû reconnaître que c'était de l'amour. Vous ? S'écria Madame Nélis. Vous, amoureux de Juliette ? Et je ne m'en suis pas douté, c'est impossible. Non seulement cela est possible, mais encore cela est. Allons donc. Toutes les fois que la beauté de ma fille produit l'effet qu'elle doit produire, je m'en suis toujours aperçu la première. Ainsi encore, en ces derniers temps, pour le comte de Seixas. Et vous, avec qui nous avons vécu sur le pied de l'intimité, en contact journalier, je ne vous aurais pas deviné. Après tout, il est vrai que ce que nous voyons le moins, c'est ce qui est à nos pieds. Et en y réfléchissant, je trouve que c'est vous que je devais découvrir le dernier. Enfin, j'aime Juliette et je viens vous la demander pour femme. Ah, mon Dieu ! S'écria Madame Nélis. Mon Dieu, mon Dieu ! Il fut surpris de ces exclamations et de l'air désolé de Madame Nélis. Il avait cru qu'en lui adressant sa demande, elle se jetterait dans ses bras. Et c'était pour empêcher cette explosion en public qu'il avait procédé avec ses ménagements. N'apportait-il pas la fortune ? N'assurait-il pas une riche position à Juliette ? Que Juliette répondit froidement à sa demande, cela se comprenait et s'expliquait. Elle consultait son cœur, mais Madame Nélis. « Ma proposition vous fâche-t-elle » dit-il. « Ah, mon cher enfant, comment pouvez-vous dire cela ? Me fâcher une proposition pareille, venant de vous que j'aime comme un fils. Seulement elle me surprend. Je vous ai entretenu de certains projets, et vous comprenez, votre proposition d'un côté, ses projets d'un autre. Je ne suis pas la femme de l'imprévu. Il faut que mon esprit s'habitue à une idée, et je m'étais habitué à la pensée que ma fille serait comtesse. Une couronne de comte sur les panneaux de sa voiture ou bien sur son argenterie et sur son linge, cela fait bel effet. Et puis Juliette aurait été à la cour, où sa place est marquée. Nous aurions voyagé. Le comte a des mines de diamants au Brésil. C'était un beau mariage. « Il me semble que ce n'est pas la misère que j'offre à Juliette. Sans doute la fortune de Madame Dalifard est connue, on sait quelle est sa solidité. Mais le commerce, vous comprenez ? Une mère ne doit pas penser seulement aux avantages matériels et immédiats, mais encore à l'avenir. Mes petits-fils auraient été comtes. Comte de Seixas. N'est-ce pas que c'est un beau nom ? Je me figure qu'annoncé à pleine voix dans un salon, il doit produire de l'effet. » Si vous avez pris des engagements pris, allons donc, des projets, voilà tout. je ne m'engage pas ainsi. » Assurément, le comte de Sexas paraît être un honnête homme et un vrai grand seigneur. Mais enfin, il faudrait, avant de s'engager, voir ce qu'il y a au fond de cette situation en apparence magnifique. Les apparences sont souvent trompeuses, et avec les étrangers, on ne saurait s'entourer de trop de précautions. On a vu de ces étrangers qui éblouissaient Paris de leur luxe et qui, en réalité, n'étaient que des aventuriers. Je ne dis pas cela pour Monsieur de Sexas, mais il n'en est pas moins vrai qu'entre vous et lui, la comparaison est à votre avantage. Vous, on vous connaît. On sait qu'on ne sera pas trompé par de faux renseignements. Et cela se donne si légèrement, les renseignements en fait de mariage. Votre position de fortune est connue de tout le monde. À la banque, on me dirait ce que vous valez. Il n'y a pas besoin d'aller au Portugal ou au Brésil. Et ces mines de diamants, ça n'est bien souvent que des mines de cailloux. Et puis la noblesse d'aujourd'hui, par ces temps de révolution, peut-on compter dessus? Quelles cours existeront encore dans 10 ans? Tandis que la fortune, quand on la tient bien, on la garde, et avec la fortune, on a la position qu'on veut. Adolphe suivait en souriant ces changements qui se faisaient dans l'esprit de Madame Nélis. Il n'était pas difficile de prévoir à quelle conclusion elle allait arriver. Elle y arriva promptement. Enfin, il a 40 ans, monsieur de Sexas, et vous en avez 25. Il est un peu jaune, à vrai dire, et ridé, tandis que vous êtes un beau garçon. Mon esprit s'habitue à votre proposition, qui en réalité est très honorable. Et pour nous, certainement avantageuse, très avantageuse. Eh bien, alors je vous demande d'être mon interprète auprès de Juliette et de faire pour moi ce que vous faisiez pour monsieur de Sexas. Soyez sans crainte, mon cher enfant. Ma fille respecte sa mère et elle écoute ma voix. Votre mariage est certain. Et l'on peut dire que ce sera un très beau mariage, très beau, très beau. Maintenant, j'ai encore une grâce à vous demander. C'est de ne pas parler tout de suite à ma mère de ma démarche auprès de vous. Et pourquoi donc? Il restait embarrassé pour répondre quand Madame Nélis lui vint en aide. « Ah oui, je comprends, » dit-elle. « Nous sommes encore si près de cette catastrophe. » Dans sa douleur, elle pourrait être peinée de vous voir des idées de mariage. Respectons son deuil. Vous me direz quand je pourrai parler. Jusque-là, muette. Vous verrez si je sais garder un secret. Ah, mon cher enfant, mon cher fils, je ne m'attendais guère au bonheur que vous m'apportez. Vous, mon gendre, je l'avais rêvé autrefois.